Les autres sont là, toi. Dès que vous êtes prêts, vous me dites qu'on commence. Parce que tu arrives à me dire qu'on a certaines assemblées où tu arrives, on te demande ta pièce d'identité, photocopie de la pièce d'identité, adresse, ton bureau. Tu as dit c'est terrible. Donc, ils sont devenus les agents secrets alors. Non, je suis parti, te demande nom, prénom, adresse, travail. Là, ils peuvent te surveiller. Ils te contrôlent, ils t'appellent tout le temps. Tu sais pas que tu as payé pour toi. Il y a la grâce qui est descendue. Que viens chercher. Les assemblées chantant, nous serons dit que là, il y a la grâce qui est venue à trois bébés. Pasteur, je n'enfante pas. Oh, oh. Que Dieu nous vient en aide, n'est-ce pas? Il y a une dame qui est enceinte. Oui. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher et tout, où il était sous son onction, et l'esprit le dirige vers la dame et lui fait savoir que l'enfant qu'elle est dans le ventre est mort. Mmh. Oui. Et c'est comme ça donc qu'on la fait lever, on l'amène sur l'autel. Oui. Elle fait son témoignage effectivement que l'enfant qu'elle a dans le ventre, les médecins ont signalé que l'enfant ne va pas vivre. Et elle n'a pas voulu enlever. Parce que comme elle a foi en Dieu, elle a dit que le Seigneur va opérer son miracle. Et le pasteur a dû appeler les serviteurs de l'église. On l'a fait coucher sur l'autel. Et on a au moins son ventre d'onction, d'huile, d'olive et tout. Oui. Et après, elle a fait le témoignage que sa grossesse est revenue. Elle a même accouché. L'enfant est né normalement. Et puis, l'enfant devait suivre une opération. Elle est toujours venue faire le témoignage où on a prié, déclaré que le Seigneur va opérer le miracle, que l'opération n'aura pas eu lieu. Mais après, quand j'étais partie de cette église, on me fait savoir que l'enfant est mort. Est-ce que ça venait de Dieu ou alors... Je crois que vous avez dit que dans la deuxième partie, on pose des questions, non? Oui, c'est ça. Voilà, parce que si je prends encore une autre tournure, là, ça va nous prendre notre tournure. Vous avez... Tout le monde est là? Ok, donc que Dieu honore votre foi vraiment. Et puisse-t-il nous bénir maintenant? Qu'il honore notre foi. Comme je l'ai dit dans la première partie, ma prière, c'est que les enfants de Dieu soient libres pour servir Dieu de façon droite. Parce qu'on voit effectivement aujourd'hui, les seuls songes qui nous sont accordés, c'est que les porcs me poursuivent. Les chiens voulaient me mordre. Le serpent m'a mordu ici. Voilà les songes chrétiens. Après, quand il dit que les femmes ne doivent pas enseigner, on dit qu'il a dit qu'il devait son esprit sur nous. Les fils et les filles prophétisons. Les jeunes auront le son. Ce n'est pas le son que le Saint-Esprit vient donner. Il faut qu'on ait le vrai. Donc il faut qu'il y ait une nette séparation entre les ténèbres et la lumière. Il faut qu'il y ait cela. D'accord? Vous êtes prêts à ce qu'on bataille maintenant? Oui. Si elles sont prêtes, elles viennent. Vous ouvrez la Bible. On lit deux livres ou bien deux chapitres et puis on commence. Que Dieu vous bénisse. Chacun bouge seulement là-bas où ça va commencer. Vous savez, un jour on était en train de prier quelque part, il y avait une fille qui était quelque part, elle restait quand la fenêtre, elle dit que non, les gens dorment, les gens tombent là. Elle est restée, elle était d'abord dedans. Alors qu'on prie, elle ferme les yeux, elle ouvre les yeux, son pied fait comme ça. Ouais. Elle regarde ses pieds pour réagir, mais qu'est-ce qui arrive à ses pieds comme ça? Que Dieu bénisse les femmes avec les cheveux. Je veux être écrasé pour l'homme. Oui, je comprends. Je veux maîtriser la situation. Peut-être une situation que tu peux maîtriser. C'est une peste de contrôle là qu'on a peur. Voilà. C'est certain, on a vu certains tomber quand même de manière fracassante. Hein. Mm-hmm. Des fois, il y a vu, j'ai tremblé. Hein. Une fois, on m'a même botté. Mais, on y va. Le livre de Luc, le chapitre 4. Je crois que les deux passages que nous allons lire, ça se trouve dans le livre de Luc. Lucas. Maman, on dit Lucas, n'est-ce pas? Oui, Lucas. Lucas. Ça va bader maintenant. Oui, je souhaite, papa. Ça va bader. Mm-hmm. Luc, ça va bader maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que c'est une personne, quand pour l'autre arrive, même ça part, comme ça, la part, le démon est de l'autre côté, il regarde comme de l'autre côté là, c'est fort, de l'autre côté là-bas. Mais il y a une chose que vous allez remarquer. Lorsque le Seigneur va vous délivrer, vous allez remarquer que la communion avec vous, lui, va changer. Parce que ce sont ces obstacles, ces ténèbres qui font que vous ne pouvez même pas avancer avec lui. Il faut que vous sachiez que lorsque vous êtes libre véritablement, vous tombez amoureux littéralement du Seigneur Jésus. Votre cœur est lié avec lui. Attendez seulement. Qu'il l'accomplisse. Luc chapitre 4. Regardez le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Vous entendez cela? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, les gens sont captifs. Ils ont besoin de la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le reclement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez pas sortir ici avec les oppressions. Ça doit s'arrêter. Allons-y au chapitre 1. Allons-y au chapitre 1. Allons-y au chapitre 1 de Luc. Vous allez remarquer. Dès qu'on va finir, on va commencer. Père, je prie au Dieu que tu touches chaque personne ici sans version et que personne ne rentre ici avec le fardeau qui sont venus décharger sur toi. Je prie au Dieu de gloire que tu touches. Au Dieu de gloire et que tu touches dans les profondeurs, que les ténèbres disparaissent maintenant en ce lieu. Écoutez très attentivement le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Dans sa naissance, lorsque sa naissance a eu lieu, lorsque la naissance de Jean-Baptiste a eu lieu, on savait exactement quelle était la mission. Je vais prendre l'une de ses missions principales, le pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Le pourquoi. Et c'est le pourquoi là devant nous pousser à poser des questions maintenant et pouvoir bien prier. Vous avez moi? Amen. Regardons ici dans ce livre de Luc au chapitre 1. Regardez le verset 67. Vous connaissez la personne de Zacharie, n'est-ce pas? Regardez, lorsque la langue sera déliée, l'esprit va tomber sur lui, il va commencer à prophétiser. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Donc, ce qui va sortir là, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce qui va sortir sur le Saint-Esprit, il dit, il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il dit cela alors que l'enfant vient de naître. Il a visité et racheté. Donc, pour lui, c'est accompli. Puis, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71, un sauveur, qui n'est pas n'importe lequel, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est un sauveur, nous avons un sauveur, un puissant, frère, nous en avons. Un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Vous y êtes? Et se souvient de sa sainte alliance selon le serment qu'il avait juré à Abraham, notre père. Écoutez bien, voici le serment. C'est sur ce serment que nous allons fonctionner. Quel est le serment? Regardez, c'est dans votre Bible, ça se trouve. Je ne vais pas citer quoi que ce soit, c'est dans votre Bible. Il dit, de nous permettre. Voici le serment qu'il avait fait à Abraham. Donc il avait dit à Abraham que, Abraham, je te jure par celui qui vit éternellement, je vais permettre à ta descendance, après qu'ils seront délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, d'après la pensée de Dieu, vous ne pouvez pas le servir, marcher devant lui dans la sainteté et la justice sans être délivré. C'est ce qui est écrit là-bas. Il dit qu'il a fait ça comme serment. Je ne sais pas si vous comprenez. Fermez les Bibles. Père, ils sont à toi. Père, ils sont à toi maintenant. Père, tous ces corps, tous ces âmes sont à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres, en quelque lieu que ce soit que se trouve dans cette salle maintenant, je vous commande de sortir des corps. Maintenant, sortez, sortez, sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix, écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout obstacle soit enlevé devant le peuple de Dieu. Tout obstacle soit enlevé devant le peuple de Dieu. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle soit retiré maintenant. Que tout obstacle soit retiré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle qui était entre vous et Dieu, je commande que ça vous lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Tout obstacle. Tout obstacle. Tout obstacle. Entre vous et Dieu. Tout obstacle. Tout obstacle entre vous et Dieu. Maintenant, vous lâchez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle entre vous et Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle, que tout obstacle soit enlevé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout obstacle entre vous et Dieu soit enlevé. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres qui régnait dans ton corps, qui régnait dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche maintenant, quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois d'elle, sois d'elle, sois d'elle, sois d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, vous n'habiterez plus dans le corps. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix, écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Tout obstacle, que tout obstacle soit enlevé. Tout obstacle soit enlevé. Que tout obstacle soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Quelle équipe est ici? Mettez-la là-bas. Quelle vous vomir partout. Quelle, ne bougez pas, ne me créez pas de problème. Là, là, là, là, là. Baisse là, enlevez les couvertures. Enlevez les couvertures là. Vous avez vomi là-dessus partout. Ça sera là. Hein. Enlevez cela, enlevez. Enlevez, enlevez, enlevez. Arrangez les habits. Enlevez, enlevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux la semaine qu'elle vomisse bien au sol. Tu as dit que tu veux laisser le tapis, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors! Tout obstacle, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout obstacle. Tout obstacle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande toute puissance des ténèbres qui régnait dans ta vie. Je commande que ça sorte maintenant au nom de Jésus. Il faut l'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout obstacle, vous rentrez libre ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors. Sors. Sors. Écoutez cette voix. Sors. Sors. Sors de son système. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Lâche-la. Allez, allez, allez, allez. Lâche-la. Allez, c'est ta fin. Lâche-la. Elle a assez souffert comme ça. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Mets sur son dos là, mets son dos, mets son dos. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Son dos, son, mets sur son dos, mets sur son dos, ta main sur son dos. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Mets sur son dos. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. La flamme en train de suivre, c'est quand ça va la prendre quelque part, ça va la lâcher là-bas. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ. Sors! Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Toute puissance satanique, toute puissance démoniaque qui régnait dans vos vies, je commande. Je commande. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Je commande. Je commande. Je commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle. L'autre s'est duré, duré vraiment dans sa vie. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout obstacle entre vous et le Seigneur doit être ôté. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors tout poison dans ton système. Je commande que ça sorte. Je vous commande de sortir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth, tout poison dans vos systèmes, toute puissance des ténèbres qui était dans vos vies, qui vous empêchait d'avancer. Au nom de Jésus Christ Nazareth, au nom de, écoutez cette voix. Au nom de Jésus Christ Nazareth, écoutez cette voix. Au nom de Jésus Christ Nazareth, sors. Sors. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth, toute puissance qui régnait dans vos vies et qui n'était pas du Seigneur Jésus. Je commande au nom de Jésus-Christ Nazareth que ça fasse place maintenant. Que ce soit la puissance de la sorcellerie. Que ce soit des obstacles de n'importe quelle provenance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vous commande de sortir. Je vous commande de sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche son ventre. Quitte son ventre. Sors. Sors maintenant. Sors, sors, sors. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors d'elle. Sors. Allez, allez, allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. C'est toi qui as bouleversé sa vie. C'est toi qui as bouleversé sa vie. Maintenant, le Seigneur te commande de sortir. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ha ha ha! Nazareth. Au nom du Christ Nazareth. Vomis toute substance, tout poison dans ton corps. Je commande que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance démoniaque qui régnait dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je commande que tu sortes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche ses lèvres. Lâche ses lèvres. Lâche ses lèvres. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Je commande au nom de Jésus Nazareth. Que toute puissance présente en ce lieu qui n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth s'acquitte maintenant. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Tu ne peux plus rester là-dedans. Allez, allez, allez! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Au nom de Jésus-Christ Nazareth! Sors d'elle maintenant! Lâche-la maintenant! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la maintenant. Tu ne peux plus utiliser son corps. Tu ne peux plus utiliser ton sort. Sors. Lâche-la. Sors. Vomis tout ce que tu as mis dans son ventre. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout ce que tu as mis dans son corps. Dans son corps. Sors, sors tout, tout, tout. Sors tout. Sors tout, sors tout. Sors tout. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Vomis. Elle vomit au sol. C'est quoi le problème? Qu'elle vomit au sol? Jésus le sait quoi le problème? Vomis moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Tout. Je commande. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Il faut la maintenir pour qu'elle ne se salit pas tout simplement. Maintenez-la tout simplement. Au nom de Jésus Christ Nazareth, quelles que soient les substances, les poisons qui se trouvent de vous. Par les couches de nuit, par les nourritures nocturnes. Je commande que ça sorte maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance qui régnait dans ta vie. Toute puissance qui régnait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance qui liait ta vie. Toute puissance qui liait ta vie. Au nom de Jésus Nazareth, je commande. Écoutez bien cette voix. Je commande de lâcher ces personnes maintenant. Je vous commande de les lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit esprit ancestral. Que ce soit l'esprit de sorcellerie. Je vous commande de sortir. enlève ça, ma soeur. Enlève ça. Laissez-les comme ça. Ils sont venus comme ça, là. Laissez-les. Au nom de Jésus-Christ, tu ferais mériter tes nids. Il y a le flamme qui se sur toi. Tu es là, tu s'occupes des autres. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance qui règne dans ta vie, dans ton corps, qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, je commande au nom de Jésus-Christ Nazareth, sors, sors, sors, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lâche cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi aussi sors. Allez, sors d'elle maintenant, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. L'autre esprit, si c'est le lézard, et si ça c'est le lézard. Sors, sors, sors, sors, sors. Sors, sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors-elle, sors-elle, sors-elle. Sors-elle. Sors-elle. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. C'est toi qui la pousse à l'impurité. C'est toi qui la pousse à l'impurité. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quoique c'est mieux de finir avec ceci. Lâche-la, lâche-la. Tout obstacle, tout esprit qui se tenait entre toi et Dieu, ceux qui habitent ton corps ou habitent les hauts lieux, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Ça c'est, ça, c'est la panthère ici. L'autre ici, c'est la panthère. Écoutez cela. Si, si. Toi, esprit de panthère, je te commande de la lâcher maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose se passe là au milieu de nous. Vous devez l'observer. Vous devez l'observer agir. Je vous commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui manipulait la vie de ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande de sortir de maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu crois que tu vas me séparer de ma fille? Qui es-tu? Tu crois? Tu vas me faire perdre ma fille. Les autres, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ok. Bienvenue. Sors. Sors. Sors. Donc, c'est ta fille, n'est-ce pas? Je te laisse tranquille. Ok. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Tu veux la détruire, n'est-ce pas? Elle est déjà détruite. Et ça te plaît comme ça de la détruire, n'est-ce pas? Je ne peux absolument rien. Mais il y en a un autre qui peut. Jésus-Christ te veut hors de son corps. Sors! Maintenant, sors! Allez! Toutes tes substances. Toutes tes substances. Vomis, tout. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute puissance satanique qui se trouvait en vous et qui manipulait vos vies. Je commande qu'il dégage de vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix, vous esprits. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Je vous commande de quitter tous ces corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en face de vous avec le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Allez, allez, allez. Allez, allez. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle maintenant. C'est terrible, vous pouvez voir. Sors. Sors. Ne lui fais pas du mal. Je ne veux pas que tu fasses du mal. Sors d'elle. Laisse-la, laisse-la. Vous êtes habitué à cela. Sors. Au nom de Jésus, sors. Vous êtes nombreuses. Sors. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors d'elle, sors d'elle. C'est terrible, c'est terrible. Où est-ce que l'église se dirige? Où est-ce que l'église se dirige? Où est-ce que l'église se dirige? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Toute puissance satanique qui régnait dans ta vie, quel que soit le nom qu'on le nomme, toute puissance des ténèbres qui régnait dans ta vie, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.

Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi, puissance, je commande de sortir. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance. Vous sentez avec toutes vos substances. Toutes vos substances. Tous les poisons que vous avez mis dans le sang. Dans le bas-ventre. Dans le ventre. Je commande que vous soyez expulsés, maintenant nettoyés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte le ventre de ces femmes. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte le ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance satanique, toute puissance diabolique qui régnait dans vos cœurs, dans vos corps, dans votre sang, qui marchait dans ton corps, toi qui marches dans son corps, je t'ordonne maintenant de sortir. Quitte ses pieds, quitte ses pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous sortez avec toutes vos substances. Sortez avec toutes vos substances. Toi, esprit impur, je t'ordonne de quitter son corps. Dieu veut que vous quittiez les corps. Ils doivent être libres. Ils doivent être libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la voix. Écoutez cette voix. Vous, écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Toute sémence de l'ennemi qui se trouve en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit expulsé de vous maintenant. Toute sémence de l'ennemi qui se retrouve en vous maintenant. Que ça soit expulsé maintenant, toute sémence, toute votre relation avec l'ennemi. Que ça soit expulsé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien entre vous et le monde des ténèbres, ça doit être brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui vous lie avec les ténèbres, je commande que ça soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chaîne qui vous tenait captif, que ce soit pendant un an, pendant deux ans, pendant 18 ans, que cette chaîne de Satan soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance satanique. Toute puissance démoniaque. Qui habite vos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que toutes ces substances sortent d'abord de vos corps. Si ça ne sort pas. Sors. Tout poison. Tout poison. Qui était dans vos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout poison qui était dans votre système, dans votre corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit expulsé, tout poison dans votre corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit expulsé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison, il dit tout poison, je commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit expulsé de votre corps, tout poison dans votre corps, que ce soit expulsé, vous voyez. Ces choses, c'est ça qui l'a fait maigrir, comme ça que vous voyez là, depuis l'enfance, c'est dans son système. Tous ces poisons, ça doit sortir, il faut que ça soit nettoyé. Si ce n'est pas nettoyé, cet esprit l'a chassé, ça va continuer comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute substance, tout poison dans votre système, je commande leur expulsion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance qui se trouve en vous par suite des malédictions, des choses vous appartenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit la puissance des eaux, que ça soit la puissance des eaux, que ça soit la puissance des eaux. Sors! Sors! Tu es démasqué. Tu es démasqué. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pars d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Les gens sont en train de souffrir, frère. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester. Il faut les maintenir. Sinon, elle va se salir partout là-dedans. Au nom de Jésus-Christ, écoutez cette voix. Toute puissance démoniaque qui se trouve en vous. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Tu es la sirène. Tu es la sirène. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison dans votre système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sur le nom. Le nom, c'est le côté de la main. Le bras en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des eaux. Toute puissance des eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de tu ne peux pas te cacher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches cette fille maintenant. Tu lâches cette fille maintenant. Elle a assez souffert avec toi. Maintenant je te commande de la lâcher maintenant. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez, c'est terminé. Sors de son ventre. Allez, allez, allez, sors ta substance. Sors, sors, sors. Allez, c'est terminé. Sors. Allez, c'est parti. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis toute substance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, toute substance. Aucune substance ne doit rester dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis-moi tout, tout. Toi puissant des eaux. Toi puissant des eaux. Je te commande. Cet enfant ne t'a pas été livré. Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu la lâches aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Tu la lâches aujourd'hui. Elle t'a été consacrée quand elle était petite. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu la quittes. Oui. Oui, on peut la donner. Non. On peut la donner. Jésus qui te veut hors d'elle maintenant. de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ réclame ce corps pour lui aujourd'hui, aujourd'hui. Donc tu quittes son corps. Toute alliance avec toi est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, maintenant, observez, il y a une réaction là, qu'est-ce qui va se passer? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Maintenant, dépose-la doucement. Dépose-la, dépose-la doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la comme ça. Là. Elle a traversé de l'autre côté. Maintenant, viens pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, non, non, non. Aucune invitation ne les amènera ici. Personne n'est en secours ici maintenant. Ça, c'est les invitations. Elle convoque tous les esprits des eaux de venir soutenir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Allez, vomis ça. Vomis, vomis, vomis, vomis. Ça, c'est le serpent là maintenant. Vomis ça, vomis ça, vomis ça, vomis ça. Allez, sors, sors, sors de son système. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus veut ce corps pour lui. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Celle-là, elle est forte. Fais attention. Non, mais elle est comme ça là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là bien, s'il vous plaît, qu'elle ne se fasse pas mal. Elle doit être libre aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va expérimenter ce qu'on appelle la liberté en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance qui se trouve dans ton corps, dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça sorte, toute substance. Allez, c'est parti, ici, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Je suis son serviteur. Je suis son serviteur. Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Allez! Hey! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, sors, sors, sors, sors, sors. Ça, c'est la réunion, ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à vous. Toute puissance de Satan. Toute puissance de Satan. Toute chaîne que Satan utilise pour vous maintenir à lui. Que ça soit brisé maintenant. Que ça soit brisé maintenant. Que ça soit brisé maintenant. Que ça soit brisé maintenant. que ça soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens au milieu. Mets-la au milieu de toi comme ça. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est bon. Là, le monde passe très mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son système. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Je l'ai depuis son enfance. Jésus-Christ te réclame aujourd'hui que tu libères cet enfant. Non seulement elle, tu vas libérer tout ce qui lui appartient. C'est pas. Je sais qu'elle t'a été consacrée. Aujourd'hui, tu dois quitter sa vie. Tu dois quitter sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenez-la tout simplement comme ça. Il faut que ça parcourt dans son dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui régnait dans ta vie, son emprise est brisée aujourd'hui. Toute chaîne, malgré tant d'années que tu t'es enchaîné avec eux, Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Maintenant, lâche-la maintenant. Lâche-la. Maintenant, maintenant. Maintenant, tu ne bouges plus. Tu sors maintenant. Allez! Sors! Sors! Donc, tu penses que plusieurs personnes, plusieurs ont essayé de t'expulser et n'ont pas pu, n'est-ce pas? Maintenant, je te commande de sortir d'elle maintenant. Sors! Sors! Sors! C'est ta fin maintenant. Allez! C'est ta fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta fin. Sors! Tu ne reviens plus jamais dans sa vie. C'est terminé ton alliance. Et la malédiction que tu as prononcée sur sa vie, c'est terminé aujourd'hui. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Suivez-la, suivez-la! J'ai dit, suivez-la. Laisse ton téléphone, mon frère. Mon frère, laisse ton téléphone. Suivez-la. Au nom de Jésus, maintenant, maintenant là, parce que ça va barder là maintenant. Regardez, regardez comment je suis. Regardez comment je suis. Non, n'arrête pas ce pied. Restez comme je suis. Mets-toi comme ça, mon frère. Mets-toi comme ça. Je vois pourquoi ça va doucement seulement. Parce que ça commence là, c'est fini. Ça. Comment il veut faire? Voilà. Maintenant, laissez-la, ça va barder. Laissez-la avec elle, ça va barder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Ah! bientôt là-bas, ça va secouer plus fort que ça. Il dit, ça va secouer plus fort que ce que tu vois là. Donc, ça va grave. Donc. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande de quitter maintenant le corps. C'est terminé. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Suivez-la bien qu'elle ne se fasse pas mal. Suivez-la bien. Qu'elle ne se passe pas mal, s'il vous plaît. Les corps sont chers pour le Seigneur. Il faut que ceux-là quittent les corps. Quitte maintenant. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez, c'est pas fini, c'est pas fini là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Écoutez cette voix. Je vous commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Occupe ta fresque. Que Dieu te bénisse. Oui. Sors. Sors. Sors. Sors. C'est fort, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants doivent être libres pour servir le Seigneur. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu est venu afin qu'ils aient la vie. Et non les possessions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande de les lâcher maintenant. C'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi, puissant de serpent, de serpent, quitte son dos. Mon puissant de serpent, quitte ton dos maintenant. Quitte, quitte son dos. Quitte ton dos maintenant, puissant de serpent, quitte ton dos. Quitte, quitte son dos. Quitte ton dos. Puissant de serpent, quitte ton dos maintenant. Quitte ton dos. Quitte. Non. Quitte maintenant. Ton rein est fini. Quitte. Quitte ton dos. Quitte ton dos. Quitte ton dos. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ton dos. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'oreille est achevée. Maintenant, quitte ton dos. Tu sens le serpent. Quitte ton dos. Quitte. Quitte ton dos. Sors. Allez, lâche-la maintenant. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout, tout, tout. Vomis tout, tout. Lâche ton dos. Lâche son dos. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son dos. Lâche son dos maintenant. Tu pars. Quitte ton dos maintenant. Maintenant, ton règne est fini. Quitte ton dos. Tu sens le serpent. Quitte ton dos maintenant. Vomis toutes ces substances. Ça sort toutes les substances. Quitte ton dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant. Mais, oui, continue, frère, continue. Sors maintenant. Ton règne est fini. Ton règne se sèche. Sors maintenant. Ton règne est fini maintenant. Ton règne est achevé. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant. Quitte maintenant son corps. Quitte ton corps maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de serpent. Terminé. Ton règne est terminé maintenant. Terminé. Tu sors. Sors. Quitte maintenant. Sors. Nom de Jésus-Christ. Sors. Quitte maintenant. Allez, c'est terminé. Sors au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur juste te veut hors. Sors au nom de Jésus-Christ. Quitte ton dos. Allez, quitte terminé. Quitte ton dos. Sors. Quitte ton dos maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton dos. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton dos. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ton dos maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton dos. Allez, lâche-la. Ton règne est terminé dans ce corps. Quitte ton dos maintenant. Lève celle-ci est libre. Lève-la celle-ci. Quitte ton dos. Non, laisse mon frère, elle va la lever, celle-ci. Puissant le serpent. Nettoie ses narines. Ton règne est achevé. Tu quittes son corps maintenant. Tu quittes son dos. Nettoie son narine. Tu quittes son dos. Quitte son dos maintenant. Nettoie là. Sors. Prends sa main, tes deux mains, elle se lève. Sors. Doucement. Elle est fatiguée. Quitte son dos. Au nom de Jésus. Faites là, s'assoyez un peu chez quelque part là. Quitte son dos. Elle s'assoit doucement. Ou bien vous la longez au sol quelque part là-bas. Elle se repose bien. Faites là, s'assoit. Quitte son dos. Non, pas avec une main. Elle est fatiguée. Quitte son dos. Puissance de serpent. Amène-la doucement. Tu sors le serpent. Quitte ton dos. Tu sors maintenant. Ton règne est achevé. Tu quittes ton dos. Quitte maintenant. Maintenant, tu quittes. Elle doit vomir quelque chose. Elle doit vomir quelque chose. Celle que tu as. Oui, oui. Tourne là. Elle doit. Tourne là. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance qui se trouve en vous. Tu lui as donné quelque chose parce que ça va continuer à sortir. Tu lui as donné, donne-lui quelque chose entre les mains. Voilà, pour que ça va continuer à sortir. Elle est libre. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si on ne possède pas comme ça, ça ne va pas nous laisser. Ils sont. Ton règne est achevé. Ton règne est achevé. Esprit de serpent. Puissant de serpent. Maintenant. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Tu sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton règne est terminé dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors maintenant. Tu as dit que tu étais sa mère. Jésus-Christ est son père. Et Jésus te commande maintenant de sortir. Sors. Sors. Lâche maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Lâche. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Quitte ton corps maintenant. Maintenant, ton corps n'était pas ton temps. Au nom de Jésus-Christ. Ton règne est achevé. Maintenant, lâche-la. Ton règne est achevé. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Toute substance. Toute puissance tu sors maintenant. Dans ton corps. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus maintenant, toi, démon, quitte-la maintenant. Quitte-la maintenant. Quitte-la maintenant. Sors. Quitte-la maintenant. Ton règne est achevé. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Ton règne est terminé. Sors d'elle. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de. Tu ne peux pas te cacher. Allez. Sors d'elle maintenant. Sors. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui Jésus-Christ? Le Dieu vivant. C'est qui Jésus-Christ? Écoutez bien ça. Écoutez, ça va être fort. Continue. Sors. Va pas comme ça, frère. Le travail, c'est pas là-bas. Va là-bas. Le travail est là-bas. Continue là-bas. Soit libre, n'est-ce pas? Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Tu quittes ton dos. Ton règne est achevé. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne règnes plus dans ce corps. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ règne dans ce corps. Je te commande maintenant. Au nom de Jésus-Christ, puissant de serpent, tu sors de ce corps. Quitte-le maintenant. Quitte-le. Sors. Sors. C'est bon. Il faut suivre maintenant s'il y a un autre. Elle n'est pas encore libre. Attendez. Regarde. Voilà. Vous voyez. C'est un autre encore. Suivez. Va là-bas, frère. Tu fais quoi? Tu sais, ça va me poser des questions sur Chora ici. Pose des questions ici. Maintenant, voilà. Vous pensez pas derrière quand vous serez ici en France, quand il y aura ça, il veut quitter le Cameroun pour venir ici là. Vous devrez savoir comment faire cela. Dieu vous guide. Prends sa main gauche, tu mets sur sa poitrine. Sur sa poitrine, sur sa poitrine. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintiens sa main là-bas. Maintiens sa main là-bas. Oui, maintiens sa main. Voilà. Fais attention maintenant. Fais attention. Fais attention. Seigneur Jésus. Maintiens la main. Maintiens la main là-bas. Laisse là-bas. Vous êtes prêts là? Maintiens la main. Soulevez la corde. Soulevez la main. Maintenez-la debout. Comme ça, elle s'asseye. Avec la main là-haut, devant le poisson, sa poitrine. Maintenez-la, tu vois. Que la femme se quitte ici. Christophe? Christophe? Pas debout. Laissez-la s'asseoir telle qu'elle était. Pas le balcon. Je sais pas si la porte la porte. Attention. Il y a des attention. Fais attention. La lâche pas. Elle est pas. Quitte là-bas. Tiens. Allez, tiens maintenant, maintenant. Toi-même, tu étais ici, tu ne voyais pas derrière. Maintenez-la maintenant. Ne lui faites pas du mal, d'accord? Non. Voilà. Poussez cela. Pousser que sa main doit toucher au niveau de sa poitrine. Maintenant que ça touche sa propre main, n'est-ce pas? C'est bien. Maintenez-la tout simplement. Allez, pour toi c'est la fin. Allez, c'est terminé. Terminé. Dépose la coupe telle qu'elle était. Tourne celle-là pour vomir ce qu'elle a en même temps. Maintenant, c'est le même toujours comme ça. C'est juste parce que son corps se lâche. Non. Maintenant, laissez-la. Laissez. Ne faites pas qu'un enfant, entre ici. Qu'un enfant n'entre pas ici. Arrangez son foulard. Et quoi qu'il va faire, on va lui donner les injections. C'est les injections qu'on donne maintenant, n'est-ce pas, frère? Les injections là maintenant. Mon frère, laisse d'abord celle-là pour elle. On va traiter en dernier, le plus faible là-bas. Tout le monde va ici. C'est laver sa main. Savez-vous que Jésus-Christ est Seigneur, frère? Amen. Vous savez que Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Jésus-Christ est Seigneur, pas vrai? Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Je veux une femme maintenant. Quelle est la femme qui va m'aider à travailler? Toi, tu peux m'aider à travailler? Ok, fais attention maintenant à ce qui va arriver, d'accord? Toi, femme, viens de ce côté-ci. Soyez prêts, quelque chose se passe maintenant. Retire, toi, la femme, retire la main qu'elle a, tu déposes au niveau de son vagin, d'accord? On va faire les injections, d'accord? Allez, retire, doucement. Soyez en prière, tout simplement. Mets au-dessus, mets au niveau exactement derrière son vagin. Vous êtes prêts? Attention, avec sa tête au niveau du pied là-bas. Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas, frère? Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'habiteras plus dans son bas-ventre. Tu n'habiteras plus là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ce lieu. Ce n'est pas ton lieu de résidence là-bas. Tu ne te promèneras plus là-bas. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens bien la main là-bas. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintiens la main là-bas, fais attention, non? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quitte son vagin maintenant. Quitte son vagin. Quitte son vagin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Sors. Sors. Tournez là tous. Arrêtez les nylons. Tournez là. Elle vomit ça là-bas. Tournez là. Avec les nylons, c'est pas. Tournez là là-bas. Au nom de Jésus Nazareth. Vous avez dit que vous devez laisser le tapis pour amortir. Non, il fallait laisser le tapis. Au nom de Jésus Nazareth. Quitte là maintenant. Tournez là maintenant d'un côté. Tournez là d'un côté. Tournez là. Voilà. Maintenant, toi-même, tu viens de la main au niveau de cela. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors! Sors! Vieille créature hideuse. Jésus-Christ. Laid de créature. Qui es-tu, Jésus? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu, toi, qui me parle? Sors! Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'habite depuis longtemps. Oui. Et aujourd'hui, tu me demandes de libérer ce corps. Tu n'es pas son mari. Je t'ordonne de quitter. Elle n'est pas mariée à toi. Tu n'es pas son mari. Les types. Sors. Sors. Qui es-tu? Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de sortir. Son alliance avec toi est brisée. Profiteur des jeunes petites filles. Sors. Toi, quitte-la. Aïe, c'est terminé. Toi pour toi. Les grands esprits dérangent, les bâtons aussi dérangent. Sors! Allez. Maintenant, lâche-la. Lâche-la maintenant. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, lâche-la, elle doit être libre maintenant. Maintenant, toujours la main au niveau de son vagin, c'est pas terminé. Ça, c'est l'esprit là. L'esprit là, c'est son petit mari. Qu'elle est mariée depuis, on l'a venu consacrer au niveau des os, et puis c'est un esprit masculin ici. Et là, maintenant, il pique un peu là-bas dans son vagin avec les vins, les verres. Ça parcourt là-bas. Toi, quitte maintenant! Tu n'es pas son mari. Profiteur. Vieille créature, tu épouses un petit enfant. Sors! Tu la quittes maintenant. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Même ceci aussi, c'est une consécration comme ça. N'a consacré aussi. Vous parlez des parents sorciers. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors! Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Tu vas y retourner justement, même si tu es tué. Tu vas y retourner. Ce n'est pas dans ce corps que tu habiteras. Tu sors et tu rentres où tu étais. Sors! Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance qui habitait ton corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous êtes prêts là? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous êtes prêts? Maintenez le bien dans ça. Je vais bouger là maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom, n'appuie pas, ne lui fais pas le mal. Maintenez là seulement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, d'accord? Le Seigneur nous aime. Il faut que nos bien-aimés soient libres, n'est-ce pas? Il faut que chacun serve Dieu en esprit et en vérité. Sachant qu'il n'y a pas une lueur de ténèbres dans le corps, n'est-ce pas? Toute puissance de ténèbres dans le corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant! Que ça sorte maintenant! Que ça sorte maintenant! Toute puissance de ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte maintenant! Que ça sorte maintenant! Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Je dis, même pas une vapeur ne doit rester dans votre être. Toute puissance des ténèbres dans votre corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, c'est ma fille, c'est ma créance d'entrée. Attends, on revient là-bas. Non, Jésus Nazareth. Tu crois que tu peux me chasser comme ça? Non, Jésus Nazareth. Non, Jésus Nazareth. Non, Jésus Nazareth. On a bien mangé. Non, attendez, non. Non, c'est lorsqu'il est au sol comme cela. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Elle a des choses. Elle va vomir où là maintenant? On va faire comment? Parce qu'elle a des choses qui doivent sortir dans son ventre là. Nom de Jésus Nazareth. Maintenez-la comme ça. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Ta peau, parce que ces choses la montent. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez Sandrine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tapote là-bas, ça va, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui-là demande à partir de c'est pour ça qu'il dit que c'est le plus fort, faible. Mets la main sur la tête, tu commandes à ton frère. Mais, qui est dans son. Il faut que celle-ci s'assoie à un autre endroit où elle est plus confortable. Il va que ça soit par là-bas, là où c'est plus calme, elle est plus confortable. Il faut qu'elle son corps est fatigué. Oui, amenez là-bas. Son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a sorti quelque chose. Elle a sorti. Donc tu voulais qu'elle soit quoi la prune? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas terminé. Je sois vigilant pas ici. C'est ici que ça se passe. Là. Toi, va d'abord, mon frère. Tu as dit que tu voulais être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, mets la main sur la tête. Voilà, maintiens comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens seulement, maintiens. Vous allez travailler. Vous croyez que je suis envoyé en France seul. Vous êtes là. Commande. Commande. Quitte son corps. Il se trouve au niveau de la poitrine maintenant. Demande, commande justement de sortir. C'est au poitrine. Au niveau de sa poitrine, ça se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa soeur n'a aussi piétiné, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son corps. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son corps. Quitte son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ça? Non, Jésus-Christ Nazareth! Non, Jésus-Christ Nazareth! Mais vous disiez que vous aimez Jésus, on appelle Jésus maintenant, chacun fuit. Oh, je ne connais pas Jésus. Qui est même ce Jésus d'abord? Mais attends, alors, qui parle alors dans ce cas? Regardez ça. Non, Jésus-Christ Nazareth! Non, Jésus-Christ Nazareth! Non, Jésus-Christ Nazareth! Non, Jésus-Christ Nazareth! Non, Jésus-Christ Nazareth! Approche le nylon là. Quitte son corps. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Maintiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez se reposer parce qu'elle est vraiment fatiguée. Lève-toi, viens. Ça se passe ici, c'est au tatami, c'est le rond-point central, c'est là. Là, ça se passe. Viens. J'ai un truc dans la gorge qui marche là. Oui. Mm-hmm. T'inquiète pas. Il y a les guerriers ici, par devant, par derrière, au nord, au sud, à l'ouest. Mm-hmm. Bah, tu veux la fuir. Après, je vais me poser des questions. Viens ici. Voilà. Voilà, non, c'est bon. Moi, je te pose une question, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront mm-hmm. à mon nom. Vous chasserez les démons. C'est vous à moi. Nous, allons-y. Oh, sors au nom de Jésus de Nazareth. Te commande, esprit impur. Sors maintenant d'elle. C'est parti pour 17h là. Allons-y. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Te commande, esprit impur. Sors d'elle maintenant. Il va dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Envoie-le toujours là-bas. Continue. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, le Seigneur Jésus t'a vaincu à la croix. Vous n'avez aucun pouvoir sur elle. Sors d'elle et va dans l'abîme au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus-Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha. Sors et va dans l'abîme au nom de Jésus. À la croix, vous avez été vaincu. Et vous a expulsé. Sors et va dans l'abîme au nom de Jésus de Nazareth. Sors et va dans l'abîme au nom de Jésus de Nazareth. Jésus qui vous a vaincu à la croix. Sors et va dans l'abîme au nom de Jésus. Elle va tomber. Sois consumé maintenant au nom puissant de Jésus. Sors et va dans la vie au nom de Jésus de Nazareth. Bon, on va prendre un autre entraînement, d'accord? Ça va, repose-toi. Voilà, bah, tu dis Seigneur, remplis-moi. Mets-toi là-bas, on arrive. Vas-y, ça va aller. Va aller brûler, mais n'avez-vous placé ici là-bas. Bon, on prend qui? Toi, tu es vice-serviteur de Dieu, non? Viens. Oh, ne te peux pas. Tiens-toi ici. Ça va, bander, vas-y vite. Tourne-toi. Tends seulement la main. Tends la main. Ça va, bander là-dedans. Tends la main seulement. Tends seulement la main. C'est que tu es vice-serviteur de Dieu. Regarde. Ne la touche pas, hein. D'accord? Ne la touche pas. Vous voyez que chaque fois c'est s'entraîne, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'après ici à Paris ça sera grave. Ça, n'est-ce pas? Ne la touche pas. Maintenant ça va, c'est au sol qu'elle parle maintenant. Au sol. Tends ta main, c'est toi. Tends seulement la main. Même si tu ne crois pas, tends la main, ça va marcher. Tends. C'est bon. Là, c'est elle va aux toilettes. Ah, courage, d'accord? Quitte son corps. Tends seulement la main, Yannick. Tends la main. Ne ferme pas les yeux parce qu'il ne faut pas qu'elle ait été racle. Observe. Tends la main. Maintenant, tu quittes cet enfant. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Allez, lâche-la. Lâche-la. Ok. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je ne veux pas mourir, donc je ne sors pas. J'entends, non. Donc c'est une alliance avec la mort et c'est sa fille qu'on a mis dedans. Donc elle sort, c'est elle qui part. Allez, sors de son système maintenant. Arrangez ses faux cheveux, s'il vous plaît. Arrangez, arrangez. Pourquoi tu dis, c'est pas les faux cheveux. Tu voulais qu'il t'appelle ça cheveux alors. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc en réalité, quand le démon dit je ne sors pas, ça parce qu'il sait, qu'il sait qu'il va sortir. Hein? Donc il va sortir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mets la main, mon frère, c'est pas fini, c'est le sport. C'est le sport du dimanche, je dis. Comment? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, non. Quitte cette femme au nom de Jésus. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles doucement, il ne comprendra pas. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille n'est pas votre sacrifice. Elle n'est pas ton sacrifice. C'est toi qui partiras là où vous avez désigné. Bande de sorcières. Bande de sorcières. Jésus-Christ l'a ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Jésus-Christ l'a ressuscité. Sors maintenant. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame, baisse ton... Laisse ta main, touche la tête. Je t'ai déjà dit. Quitte cette femme. Tu me laisses tranquille. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme, quitte cette femme, quitte cette femme, quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Je t'ordonne, quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, maintenant, au niveau de ici. Maintiens la main ici. Voilà, maintiens. Quitte cette femme. Non, non, non, ne dis rien. Maintiens seulement comme ça. George, tu me regardes bien, je veux dire. C'est fort là-bas. Qui est George ici? C'est ça que je dis. Qui est George? Okay, George va se courir alors. Maintiens seulement, ne parle pas, maintiens seulement. Pourquoi tu vas me percer les yeux? Pourquoi tu vas me percer les yeux? Fais comme je fais, d'accord? Fais. Ne tape pas fort. Soyez vigilant. Soyez vigilant là-bas devant. Soyez vigilant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute colline élevée soit abaissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute colline élevée soit rabaissée au nom de Jésus. Et que toute ténèbre disparaisse maintenant. Que toute ténèbre disparaisse maintenant. Que toute ténèbre disparaisse maintenant. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, quand ils vont rentrer, c'est la diarrhée qui va les prendre. Ils vont confirmer ce que c'est. Vous allez voir autour du ventre ce qui arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais transpirer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit de ténèbres, esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, fais passer ça. Allez. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oui, comme ça. Il faut que ces choses sortent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle classe c'est faux cheveux, hein? Ou bien peut-être on va enlever tout ça, les cheveux, là, jeter tout ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, quitte sa poitrine maintenant. Quitte sa poitrine maintenant. Quitte sa poitrine maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin. Quitte sa poitrine maintenant. Quitte sa poitrine maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte maintenant. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'elle veut s'en avant de déposer le papier. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Ouais. Au nom, écoutez cette voix. Ouais. Écoutez cette voix. Ouais. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Vous voyez, ce qu'elle est en train de vomir là, c'est ce qui tarde à sortir. Ça, c'est l'empoisonnement. C'est une corde. Une petite corde, un petit fil comme les cheveux. C'est ça qui se trouve à l'intérieur d'elle comme ça là. On l'a empoisonné avec cela. Donc ça veut dire qu'elle a mangé quelque chose que ça contenait de poison. Et ce poison a été fait à partir des cheveux. Ça se trouve à l'intérieur de son corps. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au niveau de la nuque, là, au niveau de la nuque, maintenant la main là-bas. Vous avez les démons. On pose le poison, on met dans vous. Au village, ça ne va pas. Vous partez chez ma bonne, on ajoute. C'est quand même terrible. Même un démon d'IA, c'est un problème déjà. Lève-la maintenant, c'est terminé. Lève-la. Oui. Regarde, observe, mais vous pouvez observer maintenant, vous voyez la différence. Observez, tournez-vous seulement, vous voyez. Vous voyez? Lève-toi, tu es libre, lève-toi. Lève-toi, lève-la. Doucement, doucement. Maintenant, la maman de Corinne, tu disais quoi? Qu'est-ce que tu disais? Esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez, il faut qu'elle parle de toi, laissez-le s'y parler. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez, ici, il faut que la femme se repose. Elle a assez souffert de ces choses-là. Amène un peu ici, jusqu'ici. Doucement, doucement. Doucement. Voilà. Ne fais pas que c'est faux, je vais fourrer le sol. Vos lunettes, c'est là-bas. C'est pas ça. Non, c'est pour elle-même. Il faut que celle-ci dort bien. Il dit qu'elle a assez souffert, donc elle mérite un bon sommeil. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute cette voix. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres. Tu es une idole. Tu es une idole. Une idole morte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort, je t'ordonne de quitter cette jeune fille maintenant. Aucune des choses de sa vie n'est morte. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bien là-bas, hein? Tu es bien habité, tu habites dans son corps. Bon, tu veux faire quoi avec son corps? Oui. Oui, je suis aimé dans mon quartier. Tout le monde me reconnaît. J'ai les maisons, j'ai l'argent. Et pourquoi tu es entré dans son corps? Mais dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es sorcier, n'est-ce pas? Tu sais, tu es dissimulé et ce n'est même pas dans sa seule vie où tu es. Tu as pris la vie de beaucoup de corps de jeunes filles. Toutes mes filles m'appartiennent. Maintenant, sors. Maintenant, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors. Oui, c'est ce qu'on me dit chaque fois, il est dérange toujours. Je te commande de sortir. Est-ce que tu peux venir chez moi? Je te commande de sortir. Je n'ai pas l'argent. J'ai le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux commander au sol sur lequel tu es couché de te combattre. Ok, maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. C'est le sol qui va la combattre maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Ah, toutes mes abeilles arrivent, tu vas voir. Georges ne t'a pas laissé tout à l'heure. Ça lâche, je vais y aller comme ça. Tu as soif, frère. Bon, maintenant, tu penses que entre toi et ceux, c'est qui a le problème plus que qui? Entre toi et tout ce que tu as vu là maintenant, quel est le problème le plus grave? Bon. Il faut que tu t'assoies là-bas tranquillement. Là, quand tu me dis, j'arrive pour prier pour toi. D'accord? Va t'asseoir. Tu as des idoles dans ta maison. Tu as des idoles d'incantation dans ta maison. Sors! Sors pas. Vous qui êtes debout, si vous êtes fatigué, vous asseyez. D'abord, d'accord, prenez le repos. Les femmes, si vous voulez leur donner de l'eau, donnez de l'eau, ils vont boire. Donc, asseyez-vous, frère, asseyez-vous. C'est bon. C'est bon. Ok, mettez-le là-bas, comme tu es devenu Willy là. Willy va gérer. Bon, mais c'est bon. Lui n'est pas comme Georges, il n'est pas lâche. Je n'est pas lâche. Mm-hmm. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette fille maintenant. C'est une grande réunion de sorcières. Sorcières, l'association des femmes riches. Que chacun donne à son tour, chacun donne à son tour, chacun donne à son tour. Pour garder la prospérité. Vous voyez que la sœur Aïda, elle a changé, n'est-ce pas? Allez, vomis ta substance. Je commande que ce poison-là sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu penses qu'est-ce qui peut vouloir te faire vomir également, toi également? Qu'est-ce qui peut vouloir te faire vomir, toi? Tu penses qu'est-ce qui est là-dedans? Donc tu sais seulement les gens. Tu regardes comme ça là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors ta substance là. Allez. Ça va vous apprendre que n'importe quel membre de la famille donne l'argent, vous prenez, vous mangez. Vous ne savez pas qu'on entretient seulement votre vie comme ça là pour que vous leur appartenez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis-moi ça. Vomis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis-moi ça. Sors ça. Regardez comment même la Sandrine l'a brille, même sans maquillage. Vous-même, vous avez vu. Oui, oui. Elle avait pris le maquillage, elle s'est cachée. Oui. Maquillage. Non, elle est naturelle. Voilà. Bon, du moins, c'est partiellement. Parce que ah, là-bas, il y a les cheveux de l'Ogobé sont banal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'elle dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta puissance et ton autorité est brisée dans sa vie. C'est brisé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors! Donc elle est petite comme ça, c'est le bataillon qui est à l'intérieur. Vous savez ce qu'on appelle dans l'armée bataillon d'infanterie par exemple. Mm-hmm. Donc c'est un peloton d'au moins 100 000 personnes. Mm-hmm. Non, les gens c'est 6 000. Le péloton c'est autre chose. Le bataillon c'est encore une autre chose. Donc c'est un camp militaire là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est à qui elle s'adresse comme ça là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette fille? Quelle est cette fille? Donc il faut me dire comme si il est resté comme ça, il chante des chansons que maman, ce que tu me vas là-bas. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Mm-hmm, c'est bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donc tu habites dans un corps qui sent mauvais. Sors! Elle sera délivrée, vous expliquer avec sa vie. Elle-même va parler de ce qu'il en est. D'accord, sa vie, pour vous comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se sont fatigués, ils vont laisser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur as donné combien? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le corps de cet enfant-là. On est nombreux, hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Tu peux te battre contre un bataillon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Sors-moi tes poisons. Sors-moi tes poisons. Sors, tous tes poisons doivent sortir de son corps. De son système. Tu ne manipuleras plus sa vie. Tu ne manipuleras plus sa vie. Sors. Vomis-moi cela maintenant. Allez. Allez, allez, allez, allez. Vomis-moi cela. Vomis-moi cela. Vomis-moi cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cher, regarde-moi ça. Regarde, tape-moi les bas de ce pied, qu'est-ce qui est là-bas, mon. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, tu ne peux pas te cacher là-bas. Au nom de Jésus Nazareth. Allez, vomis-moi ça. Moi, je ne veux pas mourir, hein. On est nombreux. Moi, je ne sors pas. C'est un démon ivoirien ou quoi? Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Il faut d'abord dire à sa copine de rendre mon argent. Sors! Dis à sa copine de rendre mon argent. Je ne le sens pas. Hey. Hein? Qui doit l'argent aux gens ici là? Quelle copine? Ton nom c'est quoi? Il pose une question, non? Au nom de Jésus de Nazareth! C'est toi qui nous donnes de l'argent. Tu as pris mon argent. Donc tu donnes de l'argent à la celle-ci. C'est pas moi, Nadia. Comment tu es entré dans sa vie? Mais moi, je le consacre, c'est ma fille. C'est moi qui l'ai marqué. Oh. Tu allais faire les cérémonies de sacrifice avec elle? Oui. Vous avez de l'argent entre vous, les groupes de femmes? Oui. On est tout un groupe, on est tout un bataillon, toutes les femmes de mon quartier. Quel est votre rôle pour détruire les jeunes filles, pour les empêcher de se marier et vivre dans la prostitution? C'est parce que nous, on veut vivre bien, on veut être aimés. Aujourd'hui, c'est son jour. Tu sors de son corps maintenant. Les autres qui n'ont pas pu, c'est pas toi qui vas pouvoir aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de son corps. Tous les corrompus. Ok, ils sont tous corrompus. Hein. Maintenant, tu sors. Vous comprenez que vous pouvez parler lutter contre Satan avec son arme, n'est-ce pas? Puis tous les corrompus, tu es là comme ça, tu donnes le héros, tu prends. Tu vas chasser. Ça ne va pas, tu donnes le sel, que va à la maison, tu vas utiliser le sel. Que prends l'eau, si tu arrives à la maison, tu verses, ça va les chasser. Après, mange ton héros. T'apportes le pied. Frère, tu es fatigué? On continue. T'apportes-moi, c'est les balles, les plantes des pieds. T'apportes. Vomis toute substance. Vomis-moi toutes ces substances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celle-ci était au commencement de la prière. Non, qu'elle attend dans le couloir, d'accord? Oui. Il faut pas que... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'on va finir, la question et réponse avec les baptêmes va entrer parce qu'elle même elle a mis le rouge là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue, continue là-bas. Ne écoutez pas ce que les petits choses qui bavardent là-bas. Tu vas te fatiguer. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est déjà enterrée. Elle est enterrée dans ma cour, c'est fini. Sors. Tu ne peux plus rien. Sors. Moi, je ne veux pas mourir. Donc, je ne peux pas sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie. Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sorcière. Oui. Tu vas voir mon serpent et ma sirène. Tu crois que tu peux te mesurer à moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des sorcelleries. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance avec la mort est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute ton alliance avec la mort soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi, c'est ma fille. Est-ce que c'est toi qui as accouché? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-la où elle est. Laisse, c'est ma fille. Il est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse ma fille où elle est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-la. Ça a commencé comme avec toi. Aïe. Aïe, yo. Laissez-moi tranquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi, c'est ma fille. C'est moi qui l'ai accouché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que laissez-moi, je l'ai accouché. Aïe, c'est mon enfant, je fais ce que t'as pas avec tes deux mains, les deux pieds au même moment. Les deux pieds, les deux balles là, au même moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, les plantes, c'est au niveau des plantes. C'est au niveau des plantes. Parce que c'est fait, c'est qu'on a pris les empreintes. On a travaillé avec. Tapote au niveau des plantes là. Tapote là-bas. Tapote. Yes, c'est parce qu'il va confirmer. Voilà. Prends le relais. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes tes substances, tout ce que tu l'as donné comme poison dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tu vomis ça maintenant. Hey, là, j'ai éprouvé. Qu'est-ce que tu peux encore récupérer? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le plus curieux, c'est que cette sœur-ci, elle serait dans une dénomination, vous allez dire qu'elle est prophétesse. Que c'est une prophétesse, qu'elle voit. Alors que ça avait le bout ici du Gabon. Elle a mangé l'iboga. L'iboga l'a fait comme ça que je vous aime, je suis au milieu de vous. Donc, C'est les sirènes qui sont là comme ceci au milieu de vous. Les sirènes vous aiment. Sors! Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son corps. Je dis que je ne peux pas vomir. J'ai partagé son corps. J'ai donné à tout le monde. Tu as dit vous voulez. Je ne peux pas. J'ai fait comment après? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton alliance avec la mort est brisée. Ton alliance avec la mort est brisée. Ton alliance avec la mort est brisée. Mets la main, frère. Ton alliance avec la mort est brisée. Ton alliance avec la mort est brisée. Allons-y, on va aller jusqu'à la fin. Ton alliance avec la mort est brisée. Brisée. Brisée. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors, oui, vous allez tous mourir. Sors! Continue là-bas. N'appuyez pas sur le pied, ne montez pas sur le pied. Tapez. Repérez seulement ton pied, tapez. D'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il va te pousser la main. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ton alliance avec la mort est brisée. Sors. Sors. Elle appartient au Seigneur Jésus. Dis-moi ce que tu veux. Je la réclame pour Jésus. Si tu veux, je te donne même aussi ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur la tête, frère. On va couler dans son corps maintenant. Tapez le bas. Allons-y. Sorcier, lâche cette fille maintenant. Ma deuxième fille va devenir folle. Laissez. Lâche-la maintenant. Laissez. Je ne veux pas que ma deuxième fille devienne folle. Lâche-la maintenant. Laissez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Ne lâchez pas. Sors. Laissez mes enfants va vous rendre. Laissez mes enfants. Sors. Laissez va vous rendre votre fille. Sors. Laissez-moi. Sors. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. On va vous la rendre. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes bataillons sont où? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez. Continuez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. C'est ma lumière. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. C'est ma lumière. On va encore me voir comment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez. Je ne peux pas. Sors. Sors! Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors! Dis-moi ce que tu veux. Tu veux négocier? Tu veux négocier? Bon, toi tu proposes quoi? Je te donne tout ce que tu veux. Comme quoi par exemple? Elle-même là. Hein? Je te la donne. Moi je suis déjà marié. Les autres ont pris. Ah, les autres ont pris. Elle a la lumière, ma fille là. Oui. Bon, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu quittes la vie de cette fille. Elle appartient au Seigneur Jésus. Elle doit le servir. Tu es obligé de quitter. Tu veux la puissance, la gloire, je te donne. Non, on va donner ça au pasteur au Gabon. Je te donne. Tu donnes au président. Je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de quitter sa vie. Cristal. Prends Gabi, non. Prends Gabi, tu vas régler la main. Moi, je ne veux pas mourir. C'est le commandement de Dieu ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes sa vie. On verra. Moi, je ne peux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes son corps. Je ne peux pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vieille sorcière, tu quittes son corps. Je ne peux pas. Oh. Oh, je ne peux pas sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame ce corps, son âme et son esprit pour le Seigneur Jésus. Sors! Et déjà, je vendais à toutes ces copines. Sors! Donc, ils viennent te voir pour avoir le mari blanc. Ils font le remettre pour avoir le mari blanc, n'est-ce pas? Mais oui, puisque ma fille devait avoir un mari blanc, donc je ne sais plus, je donnais à ses copines. Ma fille, elle a la lumière, elle a changé tout bloqué. Elle a dit, on a mangé tout. Je ne peux plus, je dois trop de gens si je fais comment d'abord. Comment je fais? Mais dans l'église, tu as voulu l'utiliser comme une prophétesse. Tu voulais tromper les pasteurs. Eux-mêmes, là, les pasteurs, là, sont corrompus. Est-ce qu'ils prient d'eux? Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter son corps. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter son corps. Je te connais tout un bataillon. Je te commande. Tu connais les abeilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais les abeilles. De quitter son corps. Ne pas quitter son corps là, il te dit non, je t'appelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux arriver chez moi, peut-être. Même si tu arrives chez moi, c'est pas ça. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De quitter le corps de cette jeune femme maintenant. Tu connais depuis quand je le travaille, Bertine? Depuis quand? Depuis qu'elle est née. Tu l'as livré à Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres se sont fatigués. Oui. Tu vas te fatiguer. Ne t'inquiète pas, on a toute la journée. Je suis préparé à cela. Donc tu sors de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais le serpent vert. Le serpent vert, le mamba vert là. Tu vas envoyer contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de sortir de son corps. Si tu connais le serpent là, il peut m'embêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Tranquille chez moi, tu viens me déranger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a dit que ça se passe comme ça là. On t'a dit qu'on te donne, tu ne veux pas. Nom de Jésus de Nazareth. On va donner ton serpent à tes pasteurs qui vont prophétiser avec. C'est ma fille. Hein? Je te commande de lâcher cette fille. Son âme ne t'appartient pas. Je t'ai dit que c'est ma fille. Je l'ai accouchée. Donc je fais d'elle ce que je veux. Jésus-Christ est son créateur. Il réclame que tu lâches ta vie maintenant. Mais c'est pas avec Jésus que je fais mon contrat. Hein? Tu as fait le contrat avec qui? Tu as fait avec qui? Avec la plus belle des femmes, elle vit dans les eaux. C'est elle qui te procure la richesse. Ta richesse et ta gloire viennent d'elle, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu comment mes filles brillent? Ouais, c'est vrai. Comment elles sont belles? Oui. Comment elles sont douces? Et tu voulais les utiliser comme fond de commerce pour faire tomber les hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Sors! Je t'ai dit qu'on est nombreux, on est tout un bataillon, est-ce que tu peux? Au nom de Jésus de Nazareth! Tes amis se sont fatigués, tu me fatigues à la fin! Sors! Oh! Sors! Oh! Sors! Oh! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Tu me connais, moi la fille de mon père! Sors! La fille de mon père, ton il m'a tout laissé. Ton père était aussi un gangan. Ah, la fille de mon père. Oui, puissant. Il était puissant, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux? Il était redoutable. On le craignait, n'est-ce pas? Oui. Mais il est où aujourd'hui? Il est où avec toute cette puissance? Tu vois que Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Moi, je suis au-dessus de tout ça. Là. Au-dessus de tout ça. Donc, tu dis Jésus, tu es au-dessus de tout Jésus. Okay. Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce que Jésus-Christ peut, c'est est-ce ça? Est-ce qu'ils peuvent? S'il peut, ok, reçois ça donc. Tous les autres. Ah, reçois ça. Ça, c'est 120 volts. Non, je suis autour de ça. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Et l'insulte de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nom de Jésus-Christ Nazareth. Quoi qu'il y a de quoi faire sport ce dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, écoute cette voix. Écoute cette voix. Toi, là, c'est pieds. C'est pas qui t'a puni là-bas, c'est pour les hommes. Laisse. Laisse. D'accord. C'est toi, tranquille. Viens t'asseoir, c'est comme une princesse. C'est fini. Voilà. Laisse l'ancien caméraman là-bas. Il va taper là-bas. Voilà. Toi, puissance satanique. Amulette de la mort. Amulette de la mort. Au nom de Jésus, de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande. Écoute cette voix. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Il y a encore le papier. Sors. Sors. Continue là-bas, continue mon cher. Il est venu libérer les captifs. Il est venu annoncer la délivrance à ceux qui étaient en prison. Aux prisonniers, la délivrance. Aux prisonniers, la délivrance. Je te commande au nom de Jésus de lister cette jeune fille maintenant. C'est ma fille, oh, c'est pas la fille de Dieu, c'est moi qui l'ai accouchée. Mm-hmm. C'est Jésus qui l'a créée. Et Jésus est même ton créateur. Mm-hmm. Jésus t'a créé. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mm-hmm. Tu connais seulement la reine des eaux. Mm-hmm. Au nom de Jésus de Nazareth. Si on avait du temps pour que j'explique les choses de la délivrance et ces choses aussi comme ça. Vous comprenez qu'en fait, les esprits, même si vous donnent n'importe quoi comme bonheur sur la terre, ils ne vous aiment pas. Parce que la finalité, c'est qu'ils veulent détruire votre être. Et elles aiment vivre comme ça. Elles vivent comme ça dans le luxe, dans l'opulence. Elles peuvent voyager n'importe où, entrer dans n'importe quel milieu, avec la gloire. Mais la fin, c'est la perdition. Sors! Vomis-moi toutes tes substances. Non, de Jésus de Nazareth. Frère, tape-moi le dos. Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Tu vomis cela. Tu vomis, continue à taper. Non, de Jésus de Nazareth. Tu vomis. Vomis-moi cela. Sors cela. Sors! Nazareth. Je t'ai déjà dit que je ne sors pas. Vomis-moi cela. Vomis-moi cela. Tapote, tapote, tapote. Tapote. Allez, sors la substance. Sors ces substances, sors ce poison. Sors! Sors! Je vais brûler! Oh! Sors! Waouh! Waouh! maintenant tourner la médaille sur cela. Dès que ces séries vont sortir, elle sera libre. Sors-moi cela. Aïe, aïe, sors. Aïe, aïe, aïe, vous me brûlez, vous me brûlez. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux? Aïe oh mon frère, oh, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux mon frère. Aïe oh, aïe mon frère, tu me brûles, dis-moi ce que tu veux. Nom de Jésus de Nazareth. Aïe, aïe. Sors. Aïe mon frère. Mon frère, dis-moi ce que tu veux. Avec les autres, on s'est arrangé. Sors. Aïe oh, aïe. Mon frère, je t'ai dit que je ne peux pas mourir. Nom de Jésus de Nazareth, je te commande de sortir de ce corps. L'enfant, là. On a déjà mangé l'enfant là-haut. Non, Dieu, on l'a mangé. On l'a mangé. On l'a mangé. Aïe, aïe. Non, Dieu, Nazareth. Non, Dieu, Nazareth. Aïe. Aïe. Mon frère, je te dis qu'on a déjà mangé l'enfant là. Non, Dieu, Nazareth. On l'a enterré. Il t'en donne sorti. Ce que tu veux. Il t'en donne sorti. Il t'en donne sorti. Je te donne les sorties. Oh, le feu. Je te donne les sorties. Moi, je ne veux pas mourir. Sors. Je ne veux pas mourir. Sors. Donc, je ne veux pas sortir. Sors. Je ne veux pas sortir. Sors. Je ne meurs pas. Sors. Oh. Oh, mon frère. Nom de Jésus Nazareth. Dis-moi ce que tu veux, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Nom de Jésus Nazareth. Aïe, mon frère, dis-moi ce que tu veux. Nom de Jésus Nazareth. Aïe, aïe, aïe, aïe, oh. Aïe. Non, Jésus de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Sors. Frère, dis-moi ce que tu veux. Aïe, oh. Bon, qui est foiré ici? Aïe. Qui veut quelque chose? Aïe, oh. On demande là que vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nom de Jésus de Nazareth, je te commande de sortir de son corps. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne veux pas mourir. Suivez bien ce qu'elles sont, d'accord? Aïe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aïe, je t'ordonne de sortir. Aïe, je ne veux pas mourir. Ton poison, tout ton poison dans ton système. Je ne veux pas mourir, oh mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oh, mon frère, là, aïe, oh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partir, oh, non de Jésus de Nazareth. Oh, on va sortir, oh, on va sortir, on va partir, on va partir, on va partir. Non de Jésus de Nazareth. On va partir, laisse. Sors. Mon frère, laisse, on va partir. Sors. Oh, on va partir. Sors. On va partir. Mon frère, on va partir, laisse. Aïe. Sors. Aïe, oh, aïe, mon frère, aïe, on va partir. Aïe, aïe. Non de Jésus de Nazareth. Mon frère, oh, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de sortir là maintenant. Oh, tu vas me tuer. Sors. Tu vas me tuer. Aïe. Sors. Aïe, aïe, aïe. Sors. Aïe, mon frère. Sors. Mon frère, je t'ai dit que t'es ma fille, on l'a déjà mangé. On l'a déjà. Nom de Jésus de Nazareth. On l'a déjà mangé, je fais comment? Comment je fais? Sors. Comment je fais? On a déjà mangé. On a mangé, on a enterré, je fais comment, mon frère? Nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je ne peux pas sortir. Sors. Sinon, je vais mourir. Sors! Mon frère, je ne peux pas mourir! Ah! Ah! Yeah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mon frère, pardon! Mon frère, pardon, aide-moi! Aide-moi, pardon, mon frère. Sors. Mon frère, pardon, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas mourir. Sors. Mon frère. Mon frère, s'il te plaît, pardon. Aide-moi. Sors. Hé hey! Ouah! Ouah! Ouah! Ouah! Ouah! Mon frère, oh. Mon frère, s'il te plaît. Le Seigneur m'a envoyé en France pour elle. Aïe. Aïe, mon frère. Toute celle pour qui tu avais fait de la sorcellerie. Aïe, mon frère. Et tous les esprits agonis dans tous les corps doivent quitter. Aïe, mon frère, pardon. Sors. Pardon, mon frère. Sors. Pardon. Sors. tu dois tout le sinon je vais devoir tout le partir. Sors! Ah! Ouais, je vais sortir! Je sors! Sors! Je sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Je sors! Sors! Je sors! Sors! Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Nom de Jésus Nazareth! Sors! Nom de Jésus Nazareth! Vous m'avez tué, vous m'avez tué, vous m'avez tué. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Vous m'avez tué, vous m'avez tué, vous m'avez tué. Sors. Vous m'avez tué. Sors. Sors. Sors. Je suis mort. Nom de Jésus de Nazareth. Je suis mort. Je suis mort. Nom de Jésus Nazareth. Mon frère. Nom de Jésus Nazareth. Mon frère. Sors. Mon frère, pardon. Aie pitié de ta mère. Mon frère. Aie pitié de ta mère, mon frère. Tu es mort. C'est toi aussi. C'est toi qui m'as aussi. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Sors. Quitte ton ventre. Qui t'en vante? On a mangé l'enfant. Qui t'en vante? Qui t'en vante? Oh. Allez, allez, allez, vomis-moi ça, vomis-moi ça. Vomis-moi ça, le frère. Nom de Jésus Nazareth. Allez, vomis ça. Vomis ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le feu est en train de me brûler. Le feu est en train de me brûler. Oh, le feu! Nom de Jésus Nazareth. Le feu. Nom de Jésus Nazareth. Le feu en train de brûler. Nom de Jésus Nazareth. Le feu en train de brûler toute ma maison. Nom de Jésus Nazareth. Le feu. Nom de Jésus Nazareth. À cause de Panda, le feu en train de brûler dans ma maison. Nom de Jésus Nazareth. Vomis-moi ça, vomis-moi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, vous êtes en train de brûler ma maison, vous êtes en train de brûler ma maison, oh, ma maison en train de prendre feu, ma maison en train de prendre feu, ma maison en train de brûler, ma maison en train de brûler, ma maison en train de brûler, oh, toute ma maison en train de brûler, sors, je ne veux pas mourir, sors, aidez-moi, sors, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Nom de Jésus Nazareth. Aidez-moi, aidez-moi. Sors. Je ne veux pas mourir, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Je vous laisse la fille là. Je vous la rends. Nom de Jésus Nazareth. Je vous la rends. Quitte là. Je vous rends la fille là. Je vous la rends. Quitte. Je vous la rends. Je vous la rends. Maintenant là. Je vous la rends. Maintenant. Je vous la rends. Quitte là maintenant. Prenez votre fille. Prenez votre fille. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Prenez votre fille. Prenez. Sors. Prenez. Je vous la sors. Prenez maintenant. Prenez votre fille. Prenez. Sors. Prenez le feu en train de brûler ma maison. Sors. Prenez votre enfant. Prenez. Oh, prenez. Qu'elle ne vienne plus devant moi. Prenez votre enfant. Prenez. Aïe. Oh. Aïe. Ne tapez plus, lâchez. Maintenant, quittez-vous, quittez-vous, laissez là. Elle se couche là-bas maintenant. C'est là-bas maintenant que ça se passe. Vous tournez là. Alors, tournons à cette direction et suivons là maintenant. Quand ça va finir là-bas, vous allez voir ça s'afficher là-bas. Bah, observez, c'est moi la chose. Il va s'en aller. Vous avez vu? Non, j'ai dit qu'il va être pour nous. Ah. Mmh. C'est toi qui as tout compris.